C'est un tueur, mais il en a le droit. Double zéro, c'est pas hors la loi. C'est comme ça. Il drague les filles dès qu'il a le temps pour ça. Sa préférée restera Natalia. Elle aime ça. Il tue des Russes à l'appel. Il les massacre des chaussures aux bretelles. Il a un gros revolver. Il s'en sert à tout bout de champ. Où il peut devant, derrière. Y'a que des morts maintenant. Il a un gros revolver. Il s'en sert à tout bout de champ. Où il peut devant, derrière. Partout où il y a plein de sang. Y'a un traître qui traîne dans son équipe. Son nom de code c'est 006. L'enfoiré. Oulumov va faire semblant de le tuer. Et le petit James bien sûr va se faire berner. Le teubé. Pour l'Angleterre, James. Et en plus y'a la Xenia. Et puis Boris en tongue et Bermuda. Comme Max le fou quoi. Il a un gros revolver, il s'en sert à tout bout de champ. Où il peut devant, derrière, y'a que des morts maintenant. Il a un gros revolver, il s'en sert à tout bout de champ. Où il peut devant, derrière, partout où il y a plein de sang. Y'a pas de blême, James c'est lui le plus fort. Il va se les faire de loin en corps à corps. C'est tout lui. Il va même jeter Alec Trevelyan d'au moins 1000 mètres, donc explosion de crâne. C'est fini. Mais vous connaissez Rareware. Avec eux c'est toujours des jeux de Bear. Enfin barbare, mais c'est pour la rime. Il a un gros revolver, il s'en sert à tout bout de champ. Où il peut devant, derrière, y'a que des morts maintenant. Il a un gros revolver, il s'en sert à tout bout de champ. Où il... Pourquoi? My name is Bond, James Bond. And I like to kill all the people on this world because I love to kill. Et il n'y a plus James Bond. Non, il n'y en a plus.